En ce jeudi matin, après 3 jours passés à penser avec ceux qui ont hérité de Freud, à analyser la théorie et la pratique de Françoise Dolto, Carl Jung et Melanie Klein, peut-on dire que les plus réticents d'entre vous ont changé d'avis sur la psychanalyse ? Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là ? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Pourquoi vous êtes venu, alors ? Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici, mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non ? Pour faire quoi ? Ben pour y aller, raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe d'Oedipe. Je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave ? Combien je dois, docteur ? Il y a un petit côté pathétique, non ? Non. Moi, j'arrive pas à penser que simplement en s'allongeant là-dessus, sur ce divan, et en déblatérant pendant 10 heures sur son passé, on arrive à, je sais pas comment dire, réparer des plaies. Moi, je suis historien. Donc, dans mon boulot, on avance par traces tangibles. Essayez de me dire quelles sont les choses tangibles qui vous ont amené ici. J'ai une angoisse que j'arrive pas du tout à analyser. J'ai passé mon... Excusez-moi. C'est complètement con de... Je me mets à pleurer comme un con. Putain, vous êtes fort, vous avez gagné. Bonjour Valentin Chaplinck. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose pas un shock treatment, ça les Ramones viennent de le faire, et puis Fabrice Luchini qui s'allonge sur le divan dans le film Paris, de Cédric Lapiche, et qui n'y croit pas une seconde. L'auteur, l'homme, le médecin dont on va parler aujourd'hui, Félix Guattari, y croyait-il, lui, au bienfait de la psychanalyse ? Alors ça, c'est une question vraiment assez intéressante et très pertinente par rapport à Guattari, parce que à cause justement de son travail avec Gilles Deleuze, le livre qu'ils publient ensemble, L'Anti-Oedipe en 1972, qui est une critique, qui développe tout un rapport critique à la psychanalyse, on pourrait avoir tendance, et peut-être que parfois on a eu tendance à enfermer Guattari et Deleuze et Guattari, dans une posture primairement, enfin très très primairement anti-psychanalytique. Or, c'est beaucoup plus... C'est pas que c'est plus compliqué, c'est que en réalité, je pense que c'est totalement faux. Le travail qu'ils ont fait, on pourra sans doute y revenir, est davantage un travail pour essayer de porter la psychanalyse au-delà des espaces dans lesquels elle a pu, elle-même parfois, s'enfermer ou s'auto-enfermer ou se routiniser. Il faut souligner aussi que Guattari a eu une pratique de psychanalyse qu'il n'a jamais cessée, et qu'il a fait partie, dès les années 50, d'une des expériences les plus fortes et les plus intéressantes de la critique et de la transformation radicale de la psychiatrie, qui a été la psychothérapie institutionnelle, et qui est allée chercher, à la fois dans la psychanalyse et dans le marxisme, des outils pour à la fois critiquer, bien sûr, mais aussi essayer de transformer de l'intérieur l'asile. Voilà, on a 50 minutes pour comprendre tout cela. Vous êtes Valentin Chaplinck, maître de conférence au département de sciences de l'éducation de Paris 8, membre du collectif de la revue Deleuzo-Guattarienne. En effet, c'est à eux qu'on doit la création de cette revue Chimère, qui existe encore aujourd'hui. Avant d'interroger la relation entre Guattari et Freud, Guattari sans Deleuze, parce que généralement on parle toujours des deux ensemble, mais Guattari existe aussi sans Deleuze. Dites-nous, quelle est votre relation à Félix Guattari ? Alors c'est évidemment pas une relation, je n'ai pas connu, j'étais, Il est mort en 92. Donc je ne fais pas partie du tout de la génération qui l'a connu. En revanche, au sein du collectif de la revue Chimère dont je fais partie, il y a des gens qui ont accompagné son parcours, comme Jean-Claude Pollack, comme Alkérien par exemple. Donc la relation, elle m'est venue, enfin je l'ai construite un petit peu autour d'un intérêt au départ pour l'œuvre de Deleuze et Guattari qui m'intéressait beaucoup, mais aussi parce que je me suis intéressé à un courant protéiforme qui s'intitule l'analyse institutionnelle, qui a été porté notamment par des gens comme Guattari, comme Oury, hein, le médecin, le docteur Jean Oury, avec lequel il a fondé la clinique de la Borde, mais aussi par d'autres courants plus psychosociologiques portés par des gens comme Georges Lapassade et René Lourau. Et donc je me suis intéressé à la manière dont tous ces courants-là ont essayé de repenser ce qu'on pouvait entendre par institution, à la fois au-delà de ce que les sciences sociales en font habituellement, hein, comme quelque chose qui est beaucoup plus pensé du côté de l'institué, mais aussi comment est-ce qu'ils ont développé un rapport et une pensée de l'institution qui essaie d'envisager des institutions qui seraient, disons, non répressives. C'est ça, parce qu'en fait, le parti pris ou le but, c'est d'essayer de soigner l'institution elle-même. Exactement. Alors ça, c'est un mot d'ordre. C'est un énoncé qui avait été celui d'un médecin allemand, Hermann Simon, dans les années 30, qui avait énoncé que on ne peut pas soigner si on ne soigne pas d'abord l'institution de soins. Et c'est quelque chose qui a été repris par le psychanalyste, psychiatre François Tosquelles, un catalan qui est venu pendant la Seconde Guerre mondiale réfugié en France, qui a participé à Saint-Alban à l'élaboration de ce qui s'est appelé après la psychothérapie institutionnelle, qui est un terme assez intéressant et paradoxal, puisqu'on pourrait penser au départ que c'est la psychothérapie telle que la défend l'institution officielle, alors qu'ils font exactement le contraire. La psychothérapie institutionnelle, c'est au contraire un travail permanent, collectif, de transformation et, disons, de comment faire vivre une institution au quotidien. C'est de faire en sorte que le quotidien des patients, le quotidien des malades, le quotidien des soignants soit au centre. C'est quelque chose de très pragmatique au départ. C'est quelque chose qui s'est d'abord, à un moment donné, ou dans les hôpitaux en France, pendant la guerre, on estime à plusieurs dizaines, milliers de morts de faim, ce qu'on appelle les fous dans les asiles. Donc au départ, il y a vraiment une préoccupation très pratique et pragmatique, qui est de savoir comment on fait face à cette situation de crise. Et dans ce contexte-là, ce qui à mon sens est très intéressant quand on se représente que une innovation, une pensée aussi forte et aussi radicale et aussi originale s'est développée dans un contexte de pénurie, de rareté et de crise totale. Et à partir de là, il s'est agi effectivement de soigner l'institution de soins. Mais soigner l'institution de soins, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement élaborer des dispositifs, des moments collectifs où, disons, le clivage ou la séparation entre soignants et soignés est remise en question. Jean-Houry dit souvent, avait parfois pu dire avec humour que si le médecin se prend pour un médecin, si l'infirmier se prend pour un infirmier, il n'y a pas de raison pour que le fou ne se prenne pas pour un fou. Ça va très très loin. Ça veut dire qu'il y a une question un refus d'essentialiser le fou. L'étiquette que l'on colle sur une personne, médecin, soignant, fou, aurait une conséquence sur la perception que l'on a de nous-mêmes. Tout à fait. Donc c'est un travail constant sur la relation. C'est que vous parlez de désessentialisation, oui, on peut dire ça, mais cette désessentialisation, elle passe par toute une pratique de la relation. C'est la relation qui soigne. Alors, ce sont des gens qui, par ailleurs, ne refusent pas, et à la Borde, d'ailleurs, c'est pour ça que leur expérience va être au centre de la critique des antipsychiatres les plus radicaux, parfois, ils ne renoncent pas aux médicaments. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de médecins et qu'il n'y a pas de patients non plus, c'est pas ça non plus, mais il s'agit de mettre au travail ces identités-là. Il s'agit de travailler sur à la fois sur l'aliénation sociale, la manière dont le regard sur la folie détermine, disons, une pratique qui peut être nocive, discriminatoire, de peur d'une espèce de racisme anti-fou qui existe, et mais en même temps de ne pas nier aussi la part, disons, subjective et psychique. Et l'effondrement qui peut tous, à un moment donné, nous atteindre, nous traverser. Et pour Tosquelles et Oury, et pour, disons, cette constellation de la psychothérapie institutionnelle, c'est pas parce que vous allez faire la révolution sociale que vous allez résoudre, disons, le problème de la folie. Il s'agit au contraire de penser une société, de penser des institutions qui seraient capables, justement, d'accueillir cette altérité radicale et cette singularité. Et Guattari s'est formé, on peut dire, dans ce contexte et dans cette constellation-là. Et il y a apporté sa pierre. Avant d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut soigner une institution, parce que c'est une chose de le dire, une autre de voir quels sont les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour y parvenir, faisons connaissance avec Félix Guattari lui-même. Écoutez, c'était dans l'émission qui s'appelle « Du ça dans le pastis » du 23 août 1990. Je pense que l'existence est vraiment bizarre. Ça va pas de soi d'être sur cette planète à faire je sais pas quoi, puis à être pris en sandwich entre la mort et la naissance. Tout ça, c'est essentiellement bizarre. Ce qui est surprenant, c'est que il y ait tellement de moyens pour éviter, contourner, méconnaître systématiquement cette bizarrerie. On ne veut pas le savoir, quoi. Et dès qu'on est obligé de le savoir parce que on a le nez dessus, par exemple dans la schizophrénie ou dans la passion ou dans la création, quand on se trouve devant cette charge de bizarrerie, on est complètement paniqué, quoi. On a envie de vite retrouver, je sais pas, on allume la télévision pour retrouver les speakers habituels ou les types qui font la météo, quoi. Quel plaisir d'entendre la voix de Félix Guattari. Il va nous accompagner ce matin de nombreuses reprises parce qu'on a de la chance d'avoir beaucoup d'archives avec sa voix, Valentin Chaplinck. La bizarrerie d'être en vie qui serait finalement, alors non pas à l'origine de la folie, mais est-ce que le schizophrène verrait mieux que les autres en réalité? C'est ça le fond de l'affaire? Alors, par rapport à ça, il me semble qu'il faut éviter deux écueils, quoi. Il faut éviter deux écueils. L'un qui serait une forme de mystification de la folie et de la souffrance psychique. Parfois, on a fait comme si Deleuze et Guattari faisaient un éloge du schizophrène révolutionnaire, etc. D'autre côté, ce serait de croire que le schizophrène, ce n'est, comme ils le disent, que la créature d'hôpital. Alors, il faut peut-être d'ailleurs s'attarder un tout petit peu sur cette notion de schizophrénie. Il se trouve que à la Borde, on pourra peut-être y revenir. Donc la clinique de la Borde. La clinique de la Borde, donc qui est fondée. Où s'installe Félix Guattari, Jean Houry et d'autres, qui est fondée en 1953, qui existe encore. Il s'agit pour eux de réorganiser l'institution en fonction du psychotique, la manière dont le psychotique va interroger l'institution. Pour eux, finalement, la psychanalyse, ils affirment, et à mon avis, ils ont objectivement raison là-dessus, c'est que Freud et Lacan, par exemple, n'ont pas mené de cure de psychotique. Donc eux, ils vont introduire cette approche psychanalytique en institution. Donc c'est pas une psychanalyse seulement de divan. C'est une psychanalyse qui s'intéresse à la manière dont l'inconscient circule dans l'institution, la manière dont le désir inconscient circule dans l'institution. Pour eux, le schizophrène va être un peu, on a pu dire ça parfois, un peu à la psychothérapie institutionnelle, ce que l'hystérique avait été pour Freud. Donc quand on lit Deleuze et Guattari, on ne peut pas, malgré le caractère très complexe, parfois très abstrait de leur concept, il faut voir que derrière ça, il y a quand même tout un ensemble d'enjeux et d'expériences très concrètes et pratiques. Et que l'expérience de la Borde en fait partie. Est-ce que ça ne relève pas plus de la psychiatrie que de la psychanalyse? Pour eux, alors là-dessus, il peut y avoir peut-être justement une petite, en tout cas une divergence entre Houry et Guattari, mais les deux s'accordent quand même pour, je pense, considérer que bah justement cette psychiatrie-là, Houry écrit ça parfois, il le dit parfois, cette psychiatrie-là telle qu'elle est pratiquée à la Borde, c'est ce que devrait être la psychiatrie. C'est-à-dire une psychiatrie qui intègre les éléments de la psychanalyse pour justement ne pas être une psychiatrie normopathique qui va figer les gens dans des étiquettes. Houry pouvait considérer que quelqu'un qui est dépressif a un diplôme en dépression. Je veux dire, on n'est pas dans quelque chose où on va, spécialiser, comme c'est le cas aujourd'hui, de plus en plus dans la psychiatrie actuelle, dans la psychiatrie biologique, dans la psychiatrie génétique, où finalement, voilà, on considère qu'il s'agit de médicamenter les gens et puis on les relâche dans la nature, etc. Ou alors on met des étiquettes sur les gens et dès qu'un enfant est un peu trop agité, on dit « Ah, c'est un hyperactif », etc. Donc là, on a vraiment un travail très critique sur les étiquettes et schizophrène n'est pas une étiquette. Deleuze et Guattari, d'ailleurs, en héritage par rapport à la Borde, vont distinguer, mais en portant plus loin, en déplaçant ce qui avait été expérimenté à la Borde. Il y a quand même une tension, et entre Houry et Guattari, il y a eu toute une tension productive très intéressante d'ailleurs. Mais pour eux, il s'agit de distinguer entre le processus schizophrénique et la schizophrénie. Ce qu'ils critiquent, c'est la manière dont on produit des créatures d'hôpital. C'est une certaine institutionnalisation de la schizophrénie contre laquelle il s'agit de proposer une autre institutionnalisation qui serait un processus de création permanente de nouvelles institutions. C'est ça, on renonce pas à l'institution elle-même. Tout à fait. Mais elle est transformée. Elle est transformée. Là-dessus, c'est quelque chose C'est une chose autour de laquelle Guattari et Deleuze se rencontrent, hein, à mon sens, c'est-à-dire qu'on voit très bien chez Deleuze un intérêt pour la question de l'institution des empirisme et subjectivité dans les années 50, qui paraît presque au même moment que la clinique de Laborde est fondée, c'est-à-dire bien avant que Deleuze et Guattari se rencontrent concrètement. Et Deleuze dira même beaucoup plus tard que ce qui l'a toujours intéressé, et on le voit dans son livre sur Sacher Masor, etc., son texte sur Sacher Masor, ce qui l'a toujours intéressé, c'est l'institution comme création et comme production collective. Hein. Guattari, à Laborde, c'est exactement, avec Oury, etc., c'est exactement ce qu'ils font. Alors, on va essayer de pénétrer dans la clinique de Laborde pour voir à quoi ça ressemble. Et pour ce faire, nous allons écouter un texte du premier roman d'Emmanuelle Guattari, qui est la fille de Félix Guattari, qui donc a vécu à la clinique de Laborde, puisque Félix Guattari y a vécu longtemps. Il a co-dirigé la clinique jusqu'en 1992. On va entendre donc ce témoignage, cette description d'Emmanuelle Guattari. Et ensuite, on entendra à nouveau la voix de Félix Guattari, qui proposera une définition de ce qu'il appelle l'analyse institutionnelle. À Laborde, il y avait des fous que l'on appelait des pensionnaires. J'ai toujours trouvé le mot élégant. C'était un mot long. Et c'était mystérieux. Chez M. Seguin aussi, il y avait une pensionnaire. J'aimais aussi le mot permanence. Il est à la permanence. Il est de permanence. Il fait la permanence. Qui tient la permanence? La permanence est fermée. Et puis les fous à Laborde paraissaient éternels. Certains gardaient un visage lisse. Mon père disait « La grande folie, ça conserve ». Avait-on peur des fous? Pas de tous. En tout cas, pas plus que des gens normaux. De certains, il aurait vraiment fallu être imprudent pour ne pas se méfier. Est-ce qu'on était gêné? J'ai découvert l'opéra en descendant l'escalier de la clinique où parvenait un air chanté au grand salon. Mon cœur s'ouvre à ta voix comme s'ouvrent les fleurs. Est-ce qu'on a trouvé ça anormal qu'il y ait tant de fous au mètre carré, aux environs? À Laborde, on ne soignait que les fous adultes. Il n'y avait pas d'enfants fous. Alors est-ce qu'on peut finir par parler comme les fous quand on est adulte? L'analyse institutionnelle, c'est un terme que j'avais proposé à l'époque où il y avait un groupe de psychiatres qui avait proposé la psychothérapie institutionnelle. En parallèle, il y avait eu un groupe de pédagogues qui avait fait la pédagogie institutionnelle. Et puis un certain nombre d'autres groupements proposant, toujours sur ce terme institutionnel, de la programmation institutionnelle, les urbanistes, tout ça. Et moi, j'avais proposé le terme général d'analyse institutionnelle pour marquer qu'au fond, il y avait peut-être quelque chose, une sorte de fonction politique de l'analyse qui pouvait sortir des cas particuliers, des situations particulières de la psychiatrie, de la pédagogie, etc. Donc, si tu veux, l'idéal pour moi de la psychanalyse, de la schizoanalyse plus exactement, ça serait que le psychanalyste, s'il existe encore, mais il soit complètement pris, contrôlé. On le retrouve ailleurs, on le retrouve au bistrot, on le retrouve dans un groupe militant, que lui-même soit mis sur le tapis, qu'on soit au courant de ses problèmes. Moi, il m'arrive de plus en plus d'expliquer mes propres problèmes pour que le type ne mystifie pas, ne croit pas que je suis une sorte de chaman ou des choses comme ça, de se déboutonner un petit peu. Ça peut décontrer. Et puis même d'arriver à ce qu'il y ait des groupes analytiques sans analyste. France Culture. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Aujourd'hui, nous parlons de Félix Guattari en compagnie de Valentin Scaplin. Je vous ai appelé Chaplin depuis le début de l'émission, je m'en excuse. C'est bien Valentin Scaplin qui est avec moi en studio. C'est bien de pluraliser les... Oui, vous êtes généreux. On vient d'entendre donc la voix de Félix Guattari après le texte de sa fille qui décrit la clinique de Laborde. Et les deux sont intéressants, mis bout à bout, parce qu'Emmanuel Laborde dit bien c'était une clinique pour adultes. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant dans ce monde de fous adulte? Et ensuite Félix Guattari qui dit, mais de toute façon, il ne faut pas sacraliser la fonction, sans doute pas de l'adulte ni du soignant. Imaginons, et il faudrait que le psychanalyste puisse aller au bistrot avec ce qu'on appelle ses patients. En fait, il y a plus de frontières, c'est ça? D'ailleurs, par rapport à cette notion de bistrot, je crois que ça évoque un mot de François Tosquelles qui, je crois, avait écrit une lettre. Alors, je ne sais pas s'il avait écrit une lettre à Staline ou quelque chose dans le genre. Il avait dit, Staline, vous êtes un grand dirigeant, mais vous parlez de soviète. Nous, en Espagne, il n'y a pas de soviète, c'est plutôt tout le pouvoir au bistrot. Donc, alors, Ce qui est important, je pense aussi, dans ce qu'on vient d'entendre de Guattari, des deux Guattari d'ailleurs, hein, Emmanuel et Félix, c'est cette idée justement d'analyse permanente de l'institution, qu'il a appelée dans les années 60 analyse institutionnelle, qui a été repris par les psychiatres de la Borde, par l'équipe de la Borde, comme une manière de... Alors, qui avait été parfois énoncé aussi par Toskiès comme une manière plutôt d'analyser l'aliénation sociale à l'intérieur de l'établissement. Pour eux, il s'agit toujours de distinguer entre l'établissement et l'institution. L'institution, c'est ce qui relève, on projette quelque chose de... L'institution, c'est un espace de projection symbolique, fantasmatique, inconscient. C'est un ensemble de normes et de contre-normes qu'on peut toujours réagencer. L'établissement, c'est ce qui est juridique, ce qui est ancré dans des murs, etc., dans une charte, dans une définition matérielle. Donc, analyser l'institution, c'est pas seulement analyser l'établissement. C'est analyser tout un ensemble de pratiques, de pensées de ces pratiques, de désirs qui se mêlent à ces pratiques. Et ce propos de Guattari autour de l'analyse institutionnelle, il faut quand même le comprendre par rapport à sa propre implication très très concrète dans des groupes et des collectifs. Quelque chose qui n'a jamais cessé tout au long de sa vie. Dès les années 60, il est impliqué à la clinique de la Borde, mais il est aussi impliqué en milieu étudiant auprès des groupes étudiants, dans les syndicats étudiants, notamment à l'époque à la MNEF, à l'UNEF, qui, à l'UEC aussi, à l'Union des étudiants communistes à l'époque, qui interroge à la fois le stalinisme et beaucoup de jeunes étudiants à l'époque qui s'interrogent sur la thématique émergente de la condition étudiante, de la santé mentale en milieu étudiant, des suicides en milieu étudiant, et où les questions de santé mentale, les questions de conditions étudiantes, les questions politiques s'entremêlent. Notamment, il y a une revue importante de la MNEF à l'époque, qui est la revue Recherche universitaire. On trouve des textes de Guattari, d'Houry, de Georges Lapassade, de Fernand Houry, etc. Et qui mêle, on voit très bien comment, disons, des enjeux institutionnels qui peuvent intéresser l'école, qui peuvent intéresser l'hôpital, qui peuvent intéresser la psychiatrie, qui peuvent intéresser aussi des groupes militants, qui peuvent intéresser l'art, sont des enjeux qui peuvent, disons, se croiser, se comparer, se confronter. Et ça va être notamment au centre de ce collectif que Guattari va mettre en œuvre à partir de 67, autour de la revue Recherche, la FGERI, la Fédération des groupes d'études et de recherche institutionnelles. Oui, il y a beaucoup d'acronymes quand on lit la bio de Félix Guattari. Qui deviendra après le CERFI. Le Centre d'études de recherche et de formation institutionnelle, et qui n'est pas seulement une interdisciplinarité de galerie, comme le dira plus tard Guattari dans le manifeste de la revue Chimère aussi, mais qui consiste à faire se rencontrer des psys, des éducateurs, des artistes, des urbanistes, des militants, des philosophes, etc., non seulement autour de grandes thématiques, autour d'enquêtes qui vont mener aussi auprès du ministère de l'Équipement dans les années 70 notamment, des enquêtes à la marge de l'université, à la fois sur des thématiques comme la psychiatrie, l'urbain, l'école, les drogues, etc. Des enquêtes généalogiques sur les équipements collectifs, les institutions comme équipements collectifs, mais ces groupes, ces collectifs vont aussi pratiquer une interpellation permanente à l'intérieur de la fabrication de ces recherches-là, c'est-à-dire le premier édito de la FGERI, c'est de dire c'est un espace où, disons, l'artiste interpelle le fou, qui interpelle l'urbaniste. Donc, il y a une dynamique de groupe derrière. Il y a un travail sur le sujet inconscient derrière aussi dans ces groupes. Et quand Guattari dit justement, énonce dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qu'il peut y avoir des groupes d'analystes sans analystes, c'est quand même cette idée qu'on va retrouver, à mon sens, dans la schizoanalyse, qui est que l'inconscient, la psychanalyse n'a pas le monopole de travail sur l'inconscient. Il peut y avoir peut-être d'autres approches de l'inconscient qui peuvent aussi convoquer des anthropologues, des militants, des praticiens du social, des drogués, des fous, etc. Je pense qu'il y a cette idée d'ouverture permanente. On n'est pas là dans quelque chose comme une prise de position doctrinaire, pas du tout. On est vraiment dans l'affirmation d'un processus d'ouverture permanente des situations sur un dehors. Toskiès l'avait déjà énoncé. Toskiès énonçait que dans la situation analytique, il y a toujours beaucoup de monde. Et qu'on ne peut pas soigner quelqu'un si on ne fait pas, on ne peut pas accueillir quelqu'un si on ne se demande pas combien il gagne, quelle est sa vie sociale, etc. Donc il y a un branchement sur le champ social, et aussi la manière dont le désir et l'inconscient parcourent déjà l'ensemble du champ social. Et ça, c'est quelque chose qu'il développe déjà dès les années 60. La psychanalyse n'a pas le monopole de l'inconscient, mais l'individu non plus n'a pas le monopole de l'inconscient. Surtout pas. Il y a un inconscient politique, il y a un inconscient social. Il y a une dimension très politique. Guattari est impliqué dans un mouvement minoritaire au sein du Parti communiste qui s'intitule, dont le nom est La Voix communiste. Donc il produit beaucoup de textes militants déjà à l'époque. Donc c'est une gauche anti-stalinienne, hein, qu'on peut peut-être comparer à socialisme ou barbarie, mais assez différente quand même, qui est plutôt issue du trotskisme, hein, d'un certain trotskisme non orthodoxe, hein, et qui justement fait part de cette critique aussi du stalinisme, pour adresser une critique non seulement à la société capitaliste, mais aussi une critique aux organisations de gauche aussi, et à la manière dont elles ont tendance aussi à reproduire des formes d'oppression à l'intérieur de leur, à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein. Le travail sur l'inconscient, c'est aussi une manière de faire attention à ne pas se laisser trop emporter par un discours de maîtrise et par un discours idéologique. Et d'ailleurs, toute la critique qu'ils vont faire dans Anti-Oedipe et dans Mille Plateaux, hein, ils affirment il n'y a pas d'idéologie, il n'y a jamais eu d'idéologie. Ce qui les intéresse, ce sont les agencements concrets. Qui vont mêler à la fois mettre ensemble des personnes, des choses, des enjeux inconscients, du désir, du politique, etc. Hein, tout un champ de coexistence comme ça. Avant qu'on en arrive à la rencontre entre Deleuze et Guattari et donc l'anti-Oedipe, la schizoanalyse et d'autres concepts qu'ils vont mettre en place, poursuivons ce que vous êtes en train de dire sur la réflexion autour de l'idéologie, d'une forme de pouvoir ou d'oppression qui est sentie, qui est certes politique, mais qui en fait s'applique à tous les domaines de l'existence. C'est ce que Guattari lui-même va appeler une forme de fascisme. Il dit fascisme, d'ailleurs, dans l'archive que vous allez entendre. On va d'abord écouter un extrait du film de Bertolucci, 1900. Le film s'appelle 1900, il date de 1976, où vous allez entendre une conversation qui illustre parfaitement l'émanation même de ce qui s'appelle un fasciste. Et ensuite, Félix Guattari va expliquer en quoi, selon lui, ce terme s'applique en fait à bien d'autres choses que celui qui se revendique politiquement fasciste. Ah, si tu savais quelle force me donnent les insultes et les humiliations. Ça me stimule. L'Italie est mon patron. Il n'y a qu'elle que je serve, elle seule. Notre marche, on l'a faite pour elle. Les possédants exploitent et saccagent. Et se goinfrent parce qu'ils sont pourris. Mais nous, fascistes, mangeons leur relief et épuisons notre force. Alfredo Berlinguer. Tous les parasites. Vous payez, cher pour la révolution fasciste. Il vous faudra payer le prix. Et votre heure viendra et vous n'y couperez pas. Il va vous falloir payer. Et peu importe si vous êtes riche, pauvre ou noble ou paysan, peu importe, vous payez. Si on donne liberté d'expression, dans un mot pédant, ce que j'appelle une sémiotisation possible de cette économie de désir, qui par un versant est fasciste, et qui par un autre versant est révolutionnaire, c'est là qu'on prend le moindre risque que un fascisme se constitue. C'est là qu'on prend le moindre risque que, par exemple, des phénomènes de jalousie, de possession, d'exclusivisme, de tyrannie, ou de masochisme, mais dans un sens négatif, mortifère, de névrose, simplement. Plus tu donneras l'expression à ça, et plus tu trouveras des solutions. Par exemple, un gosse dans un IMP à qui tu empêches toute expression, il finit par s'exprimer en t'envoyant un pavé dans les carreaux. Donc, tout ce qui va dans le sens de la condamnation de la liberté d'expression va dans le sens de la névrose, va dans le sens d'un fascisme à petite échelle qui peut devenir à grande échelle. Grosso modo, on peut dire que le phénomène fasciste à grande échelle, à l'échelle, disons, hitlérienne, c'est la capitalisation de tous les phénomènes fascistes à petite échelle. D'un seul coup, le grand fasciste, le grand fureur, devient l'endroit où se focalisent tous les papas, tous les surmois, toutes les envies toutes les castrations, toutes les envies de se réprimer. Voilà, on y arrive justement au domaine de l'analyse, la psychanalyse selon le triangle oedipien défini par Freud. C'était sur France Culture, l'émission Court-Circuit en 1974. La condamnation de la liberté d'expression est une forme de fascisme à petite échelle. Ça existe à petite échelle, le fascisme, c'est ça qu'il veut dire, Valentin Scaplinck? Oui, effectivement, je pense qu'il dit que ça existe à une échelle micro, mais alors surtout, il faudrait pas trop aller sur, seulement sur ces notions de micro et macro social. Hein, c'est pour lui, c'est ce qui relève du moléculaire, ce qui va passer par tous les pores de la subjectivité, même si cette subjectivité est massive et même, il va dire, masse médiatisée. Elle la redéfinit, la subjectivité. Tout à fait. Ce qui l'intéresse, ce sont les instances de production de subjectivité, de production machinique de subjectivité. Là, l'entretien qu'on vient d'entendre s'est fait beaucoup plus tard que l'expérience, que ses premiers moments dans l'expérience de Laborde. Donc, il faut un petit peu, disons, peut-être voir un peu l'évolution de sa pensée aussi au fur et à mesure, hein, même s'il est resté assez constant sur beaucoup de thématiques. On entendait parler d'analyse institutionnelle juste avant. Bah, l'analyse institutionnelle, c'est justement une manière d'essayer de faire en sorte qu'un espace d'oppression, de nocivité ne se reproduise pas. Hein, c'est l'analyse permanente de qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est ça la question de l'analyse institutionnelle. Qu'est-ce qu'on fout là? Dans quelle mesure notre désir est aussi en jeu dans les situations collectives dans lesquelles on est impliqué? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Qu'est-ce qu'on est prêt à affronter de soi-même, des autres, etc. Quels sont les enjeux à la fois personnels et non personnels qu'on met dans les situations. Il y a aussi tout un travail très insistant sur le quotidien. C'est ça qui est tout à fait passionnant chez Guattari, je trouve, c'est le fait que sa conceptualité très aride parfois n'est pas du tout dissociée d'une implication et d'un intérêt pour les questions les plus simples et les plus quotidiennes. Et cette question du microfascisme qu'il élabore, finalement, elle est très. Elle nous parle beaucoup aujourd'hui. C'est en 92, c'est ça l'extrait qu'on vient d'entendre ? 74, pardon. Ah là là, d'accord. 74, mais alors c'est encore plus intéressant parce que il y a une intuition très forte. Aujourd'hui, on voit très bien que cette question du fascisme revient sur le devant de la scène. Hein, on le voit très bien avec la prise de pouvoir du bolsonarisme, par exemple, au Brésil. On le voit aussi à travers tout un ensemble de discours et de pratiques et d'organisations d'extrême droite aussi en Europe. Donc, et finalement, on se dit, ah, mais parfois, les gens disent, ah, mais c'est pas le fascisme historique, etc., tout ça. Alors justement, peut-être qu'il faut distinguer entre le fascisme dans ses formes historiquement attestées et puis le fascisme aussi comme processus, et qui est un processus qui, pour Guattari, consiste à transformer, à faire muter la ligne de fuite émancipatrice en ligne de mort. Hein, et qui est ce moment, effectivement, où quelque chose nous emporte comme ça vers un processus mortifère. Je trouve que c'est très fin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il me semble que les formes actuelles de fascisme ne sont pas des formes qui s'appuient sur un enthousiasme des masses, etc. Pas du tout. Il n'y a pas, vous regardez... Oui, c'est pas le film de Bertolucci qu'on a entendu. Hein. Où il y a même une dimension presque utopique. Hein, pas du tout, c'est beaucoup plus une ambiance dépressive. C'est beaucoup plus une ambiance qui consiste à tuer le désir, à rendre impossible les choses. Hein. Et c'est pour ça que par rapport à ça, les questions qu'a ouvertes Guattari me semblent encore très largement devant nous de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas seulement de se dire « Ah, mais au fond, la schizoanalyse, c'est quoi ? Il n'y a pas vraiment de clinique schizoanalytique, il n'y a pas vraiment de... » Non, mais Anne Kerrien a écrit un texte, en tout cas affirmé quelque chose d'assez intéressant récemment, je trouve. Elle disait « C'est pas parce que... » Elle disait quoi ? Elle disait « Il a fallu un certain temps pour que les avions dessinés par Léonard de Vinci se mettent à voler. » Bon, bah, avec la schizoanalyse, c'est peut-être la même chose. Qu'on appelle ça schizoanalyse ou autrement. C'est peut-être un ensemble d'intuitions dont la portée est encore devant nous. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est la schizoanalyse, Valentin Scaplinck ? Alors, expliquer la schizoanalyse, ce serait problématique, parce que si on explique, bon... Ah oui, mais alors ça alors du coup... La schizoanalyse, je crois que c'est une proposition qui, à la fois politique et clinique, qui consiste, alors, qui repose sur tout un développement, enfin, toute une élaboration que Deleuze et Guattari font d'un inconscient qu'ils appellent l'inconscient machinique. Donc, un inconscient qui n'est pas, comme ils le disent, un théâtre où se balade Oedipe, Hamlet, hein, comme le disent ironiquement, etc. Mais qui est d'abord une machine de production. Une machine de production qui ne manque de rien, qui n'est pas structurée par le manque. Donc là, on voit la critique au structuralisme et à Lacan, etc. Et qui est branché, un inconscient qui est lui-même branché sur les machines sociales. Il va y avoir une description très très belle comme ça et très très singulière comme ça du social comme un ensemble de machines et de dynamiques. La notion de machine va intervenir comme ça pour décrire, pour penser toute une dynamique sociale. Mais cette dynamique est constamment parcourue par du désir. Ce qui fait qu'ils vont, avec la schizoanalyse, reprendre en partie ce qu'un certain freudomarxisme avec Reich et Marcuse avait énoncé. Sauf que Reich et Marcuse étaient restés sur une distinction entre d'un côté ce qui relève de la rationalité de la production, qui serait abordé par une approche marxiste et sociale plus classique, et de l'autre côté quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'irrationnel du libidinal, eux vont affirmer que le désir parcourt l'ensemble du champ social. Il n'y a pas de social sans désir. Il n'y a pas de social sans désir, et il n'y a pas de machine sociale sans machine désirante. Mais pourquoi ont-ils besoin du terme de machine ? Désir, on peut voir l'héritage freudien, pour le coup, oui. Mais machine, pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, chez Guattari, on peut signaler d'ailleurs que ce terme apparaît assez tôt. Il apparaît dans son texte sur la notion de transversalité, une notion très importante pour lui, notamment aussi à Laborde, en 64, si je ne me trompe pas, où il s'intéresse à la manière dont certains psychotiques sont obsédés par la manière dont ils sont persécutés par des machines. Et on peut percevoir là, je crois qu'il cite d'ailleurs le psychanalyste Victor Tosk, qui en 1918 avait écrit un texte sur la question, la machine, les machines d'influence dans la schizophrénie. Donc ce terme de machine vient, je sais pas si, enfin, je pense qu'il vient un peu de là, en partie. Et puis il y a le texte aussi qu'il publie en 69, Machine et structure, qui est directement une critique du lacanisme. Guattari était en analyse avec Lacan. Houry était en analyse avec Lacan. Lacan a été important pour toute cette génération de psychiatres. Mais eux, ils ont déplacé aussi le lacanisme, comme on avait vu auparavant, à l'intérieur d'un travail concret dans l'institution. Ce qui est quand même très différent de la psychanalyse de Divan. Et je pense que ce concept de machine, ça leur permet à la fois, ça permet à Guattari assez tôt, à la fois de critiquer le structuralisme, c'est-à-dire le structuralisme de Lacan, l'idée qu'on est déterminé par le signifiant, par des structures, en réintroduisant une conception dynamique du désir, une dimension machinique et dynamique du désir, mais aussi par rapport à un certain marxisme orthodoxe qui va considérer que la machine, c'est ce à quoi on est aliéné. Une extériorité du sujet à la machine qui vient l'aliéner. Là, dans la production capitaliste, le machinisme et l'automatisation est si prégnante qu'au fond, tous les codes selon lesquels on qualifiait et on qualifiait la main-d'œuvre ont complètement sauté. Et donc, il faut s'interroger dans ce processus permanent de déqualification et de requalification de la société capitaliste. On a l'impression que le travailleur repart toujours de zéro, où les anciennes corporations, progressivement, les anciennes institutions ont perdu leur emprise et leur pouvoir. Eh bien, il va falloir s'interroger sur ce que ça fait la subjectivité. C'est ça. Et il arrive un moment... Le terme de machine remplace celui de subjectivité. Il arrive un moment où on n'arrive plus trop à distinguer. Quand on appuie sur un bouton, c'est quand même la machine qui fait le boulot pour vous. Et donc, la question, c'est où est la place du sujet là-dedans. Mais d'un autre côté, ces machines-là n'existeraient pas si elles n'étaient pas parcourues par du désir. Donc, il y a une manière comme ça d'aller progressivement vers une conception du désir qui réinscrit le désir dans tout un complexe machinique. Alors, pour eux d'ailleurs, il faut voir que la machine, c'est pas quelque chose seulement qui concerne des machines à laver ou l'industrialisation, etc. Des machines sociales, il y en a aussi dans les sociétés contre l'État. Quand il s'intéresse à Clastres, quand Deleuze et Guattari s'intéressent à Clastres dans Mille Plateaux, il montre comment il y a des mécanismes comme ça de conjuration de l'apparition de l'État. Donc les machines sociales, c'est pas quelque chose qui apparaît au bout d'un développement économique, etc. Pas du tout. On va leur laisser la parole. En 1972 paraît l'Anti-Oedipe, capitalisme et schizophrénie, dont voici les premières lignes. Ça fonctionne partout. Tantôt sans arrêt, tantôt discontinu. Ça respire, ça chauffe, ça mange, ça chie, ça baise. Quelle erreur d'avoir dit le « ça ». Partout, ce sont des machines. Pas du tout métaphoriquement. Des machines de machines, avec leur couplage, leur connexion. Une machine organe est branchée sur une machine source. L'une émet un flux que l'autre coupe. Le sein est une machine qui produit du lait. Et la bouche, une machine couplée sur celle-là. La bouche de l'anorexique hésite entre une machine à manger, une machine anale, une machine à parler, une machine à respirer. Crise d'asthme. C'est ainsi qu'on est tous bricoleurs. Chacun ses petites machines. Une machine organe pour une machine énergie, toujours des flux et des coupures. Le président Schreiber a les rayons du ciel dans le cul. Anus solaire. Et soyez sûr que ça marche. Le président Schreiber sent quelque chose, produit quelque chose et peut en faire la théorie. Quelque chose se produit, des effets de machine et non des métaphores. France Culture, des chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Un texte lu par Hélène Le Serre. Un mot sur le président Schreiber, quand même, pour qu'on comprenne le texte, hein, Valentin Skaplink. Le président Schreiber est l'auteur des mémoires d'un névropathe en 1893. C'est un homme haut placé dans la société qui est soudain victime d'hallucinations très très très violentes, mais il ne perd pas sa lucidité et décrit dans les mémoires d'un névropathe les processus qui le traversent. Et pour le faire, pour le dire rapidement, il croit que Dieu le transforme en femme et le torture à l'aide de Lilliputiens, notamment. Et c'est de ce président qu'il est question à la fin du texte, avec ses rayons du ciel dans le cul à Nice solaire. C'est ça que Félix et Guattari écrivent. Oui, ce qui apparaît dans ce texte, je trouve, c'est la dimension très concrète. Hein, on est tous bricoleurs. C'est un peu, disons, la critique qu'ils vont faire à la manière dont la psychanalyse s'est progressivement instituée dans l'histoire, cette critique finalement d'avoir produit des abstractions, des représentations générales, etc. Il se trouve que je pense que pour eux, le capitalisme rend visible, rend d'autant plus prégnant l'impossibilité la représentation comme paradigme pour comprendre l'inconscient, que le capitalisme est un ensemble de processus machiniques, justement, qui se saisissent du désir, qui produisent aussi en permanence de la subjectivité, et qui donc nous renvoient à ce moment, finalement, qui rend visible, en fait, cette dimension machinique du désir. Mais paradoxalement, le capitalisme, en décodant les flux, hein, en dépassant les codes des sociétés traditionnelles, etc., a eu besoin de se reterritorialiser, sur de nouveaux petits archaïsmes. Et pour eux, la psychanalyse et la reconstitution d'un petit archaïsme privé à l'intérieur de ce processus de décodage permanent. Parce qu'il faut bien que des institutions viennent tenir cet ensemble qui finalement ne tient plus, qui est en permanence dans un processus de déterritorialisation. Et donc, pour eux, il s'agit de comprendre comment la psychanalyse, qui pourtant au départ avait formulé des choses tout à fait révolutionnaires. Ils disent, voilà, c'est un peu comme la révolution, c'est quelque chose de formidable, mais qui tourne mal dès le début. Dans le manifeste fondateur de la revue Chimère, qui a été fondée par Deleuze et Guattari dans les années 80, il y a cette idée qu'il s'agit de revenir à la créativité fondatrice de la psychanalyse. Hein. Donc, il s'agit pas seulement d'une critique vulgaire, primaire, comme on peut l'avoir aujourd'hui de la psychanalyse, qui va, disons, je dirais, de l'industrie pharmaceutique à Michel Onfray. Il s'agit de quelque chose de plus profond, qui est d'essayer de comprendre comment est-ce que l'inconscient, c'est aussi du bricolage, branché sur des machines, branché sur des institutions, et branché aussi sur cette possibilité qu'il peut y avoir d'inventer d'autres types d'institutions. Et donc, il n'y a pas d'institution pour eux sans machine désirante, sans subjectivité, sans production de subjectivité. Et ça va être tout ce que Guattari va développer de son côté, hein, parce qu'effectivement, il y a une vie de Guattari avant Deleuze et indépendamment de Deleuze. Hein, c'est parfois un peu énervant de voir que dans certains textes, on peut lire parfois comme ça, ah oui, la conception que Deleuze développe de la schizoanalyse. Alors Deleuze n'aurait jamais développé la schizoanalyse sans sa rencontre avec Guattari. Quand se sont-ils rencontrés, Deleuze et Guattari? Je crois qu'ils se sont rencontrés à la fin des années 60. C'est aussi mai 68 hein, qui les fait se rencontrer. C'est aussi l'événement 68. L'Anti-Oedipe, on a quand même parfois pu dire que c'était le grand livre de 68, parce que c'est quand même le moment où on se dit, papa, maman, ça va. L'enfermement de l'inconscient dans les coordonnées familialistes, alors qu'il y a eu ce mouvement de révolte, ce moment finalement où les discours et les actions ont fait sortir les gens, dénicher les gens des espaces où ils étaient enfermés, hein, avec des tentatives plus ou moins abouties, plus ou moins réussies de rencontres entre des milieux hétérogènes, entre ouvriers, étudiants, des questions autour de la sexualité, alors parfois des thématiques qui pouvaient parfois être contradictoires, avoir du mal à se rencontrer, mais c'est quand même un processus d'ouverture des espaces d'enfermement aussi identitaires, d'étiquettes, etc., qu'a pu provoquer 68 et qui vient interroger la façon dont la psychanalyse, pour eux, quand même enferme l'inconscient dans une petite affaire privée et aussi dans une petite affaire de contrat libéral. Et c'est là où ils reprennent. Et bourgeois. Et c'est là où ils reprennent ce que Laborde avait développé. Deleuze écrit un très beau texte introduisant au recueil de Guattari. De texte de Guattari, psychanalyse et transversalité, où Deleuze dit, au fond, la psychothérapie institutionnelle, elle a inventé une alternative à la fois à la loi répressive au contrat libéral. Parce que là, on travaille en institution. Et donc, l'institution, c'est pas que du contrat, c'est pas que de la loi, c'est un processus instituant, permanent, qui peut pas se ramener seulement justement à ses coordonnées. Hein. Et puis, il y a cette idée qu'il faut ouvrir en permanence sur le champ social. Et le bébé qui tète le sein de sa mère, c'est déjà une machine qui transforme cette énergie du lait en quelque chose qui va permettre effectivement la croissance, etc. Guattari n'est pas toujours là où on l'attend, puisque selon le mot d'ordre de la transversalité, il va en effet étendre le champ de sa compétence et de sa pratique de manière étonnamment large. Écoutez-le le 19 janvier 1982. Il soutient les radios libres, il va même jusqu'à fonder une radio, figurez-vous, c'est Radio Tomate. Tomate 707-67-94.2 MHz. Radio Tomate est une des radios les plus imaginatives. Gérée par un collectif de bénévoles, elle émet 24 heures sur 24 elle aussi. Ils ont squatterisé un rez-de-chaussée et une cave d'immeuble. Très peu de frais, si ce n'est l'électricité. Leur émetteur de 100 watts a du mal à se faire entendre, coincé entre Radio Shalom et Radio Communauté. Un peu d'esprit de 68 souffle ici. Aucune publicité, absolument aucune publicité. À la limite, comme je disais tout à l'heure, la seule pub qu'on fasse ici, c'est de la publicité pour la liberté. C'est pas un plan, en fait, la radio. Elle doit ressembler aux gens qui la font, quoi. Contrairement à ceux qui sont la Tour Eiffel et tout, qui doivent être le plan de la Tour Eiffel, qui doivent être le plan de RFM. C'est, ils laissent leur personnalité dehors, alors qu'ici, ce qu'on demande aux gens, c'est d'amener leur personnalité et qu'elle passe sur l'onde, leur personnalité. Qu'ils soient eux-mêmes. Félix Guattari qui fonde Radio Tomate, c'est pas lui que vous avez entendu, mais la présentation de cette radio-là, dont d'ailleurs son fils Bruno assurera la programmation, hein, est-ce que c'est une façon, un moyen, Valentin Scaplinck, d'étendre, de continuer l'expérience de la psychothérapie institutionnelle par d'autres moyens? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'organisation même de cette radio avait repris, je crois, le principe de la grille que Guattari avait élaboré à la Borde, qui est un organigramme de distribution et d'organisation des tâches. D'ailleurs, on parle toujours de grille de radio, hein, voilà, ici mais, aussi. Mais là, c'était peut-être plus autogestionnaire. Enfin, vous me direz. Je vous le confirme. Voilà. Disons qu'il y a cette idée d'une autogestion qui vient analyser aussi l'institution, qui vient analyser les positions dans lesquelles chacun se fige, etc. Et Guattari, effectivement, a continué d'explorer ça autour de la radio. Et la radio, pas seulement comme média qui transmet un contenu, mais comme un dispositif autour duquel les gens vont se rencontrer et vont élaborer quelque chose ensemble. Donc il faut comprendre aussi la radio comme un dispositif, comme un agencement, notion d'agencement toujours très, très, très importante chez lui et chez Deleuze et Guattari, et qui ne se réduit pas justement à la transmission d'un message, etc. Il faut interroger les médias dans la mesure où ils mettent en relation, en rapport, des voix, des personnes, des inconscients, des désirs, des objets, et qu'est-ce que ça nous fait aussi, subjectivement? Donc je crois que oui, c'est cette expérience de Radio Tomate est une manière de poursuivre l'expérience de la psychothérapie institutionnelle, de la déterritorialiser. Et la schizoanalyse aussi est une déterritorialisation de la psychothérapie institutionnelle. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut surtout pas enfermer ce propos-là dans un propos qui serait académique, évidemment. Hein, c'est certainement pas un propos philosophique académique. C'est peut-être un propos qui a une portée philosophique, mais de manière singulière, puisqu'il faut toujours rapporter ce propos philosophique à des pratiques. Avec Guattari, je pense qu'il ne faut jamais lire les textes ou les concepts de Guattari en oubliant la manière dont il n'a pas cessé tout au long de son existence de former des groupes, de déformer des groupes, de les faire éclater, d'en constituer d'autres, etc. Alors, il y a toujours cette prégnance très forte du collectif. Ce qu'on ne trouve pas tellement chez Gilles Deleuze. D'une certaine façon, il a déterritorialisé Deleuze par rapport à ce que Deleuze, la manière dont Deleuze travaillait, je pense, d'une manière beaucoup plus solitaire. Et ça, Deleuze le reconnaît ? Et je crois que... Est-ce que Deleuze le reconnaît ? En tout cas, oui. Je ne sais pas s'il l'a reconnu, mais il me semble qu'il y a... En tout cas, il y a, dans cette rencontre, dans cette machine, hein, à deux, d'écriture à deux, il y a quand même, ne serait-ce que le fait d'avoir pu accepter d'être un petit peu déterritorialisé. On dit souvent que quand Deleuze visitait la Borde, il n'allait pas trop voir les fous, hein, c'était pas trop son truc. Hein, mais c'est cette rencontre, justement, entre deux subjectivités. Oui. Là, pour le coup, il y a une vraie congruence entre leur manière de travailler ensemble, leur manière de s'être agencé ensemble et leur pensée de l'agencement. Et c'est pour ça qu'ils nous donnent toujours des ressources considérables pour aujourd'hui, et qui ne sont pas du tout des ressources doctrinaires, qui sont plutôt des invitations à reproblématiser les pratiques sociales en tant qu'elles sont traversées et productrices de subjectivité, en tant qu'elles se rencontrent, cette question un peu de la rencontre des hétérogènes aussi, de la connexion des hétérogènes. Au cours des dernières années de sa vie, Félix Guattari sombre dans une lourde dépression. Est-ce que lui-même a parlé de ça comme étant une conséquence de l'échec de ses travaux ou est-ce que c'est complètement indépendant ? Ça, j'en sais rien du tout. On ne sait pas. Je ne sais pas si on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je crois que Jean-Houry a dit quelque part « Qui n'a pas déprimé n'a pas vécu. Qui n'a jamais déprimé n'a pas vécu. » Donc, je ne crois pas du tout que ses travaux soient, en tout cas autour de l'anti-Oedipe, autour de la schizoanalyse, étaient un échec, pas du tout. Ça, c'est la manière dont on a pu caricaturer toute cette affaire-là. Voilà, c'est ça, pour essayer de sortir la caricature que je vous pose cette question. Y compris une historienne et psychanalyste comme Elisabeth Roudinesco, par exemple, a largement reconnu la manière dont ils ont fait bouger les lignes à l'intérieur de la psychanalyse. Et ils ont vraiment interrogé de façon très fine le rapport de la psychanalyse aux politiques, non pas en faisant comme si il fallait que les psychanalystes se politisent de façon un peu doctrinaire ou classique ou idéologique, mais d'interroger la politique dans sa dimension quotidienne, pratique, subjective, inconsciente. Et donc, il y a aussi un renouvellement de ce qu'on peut entendre par politique qui se trouve derrière. Et qui, de ce point de vue-là, est vraiment devant nous. Hein. Et surtout quand on voit la manière... Alors, il y a aussi quelque chose qui est une petite chose aussi, c'est que Guattari et Deleuze aussi, avec lui, ont perçu la routinisation aussi de la pratique psychanalytique. Et il me semble, quand on parlait tout à l'heure, j'évoquais un peu les attaques dont la psychanalyse est aujourd'hui l'objet, peut-être que pour se réarmer par rapport à ces attaques, il serait important justement que la psychanalyse, que les psychanalystes bien, fassent retour vers Deleuze et Guattari et vers cette invitation à articuler, à connecter le clinique et le politique. On vous entend, Valentin Skaplink. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Félix Guattari ce matin. Merci à vous. On se quitte avec Wesley Willis, Chronic Schizophrenia. My mind plays tricks on me every time I say something. It rains evil voices out of my head and talks to me vulgar. Then suddenly I started raving. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. But when I have bad luck, I always hear evil voices talking to me vulgar. Everywhere I go riding on the CTA bus, all I hear is vulgarity. I hear no music at all. Chronic schizophrenia. Chronic schizophrenia. Et je le précise, Wesley Willis, c'est une proposition de Nicolas Berger, est un chanteur qui est lui-même schizophrène et compose des chansons en parlant de sa maladie et en parlant d'autres choses d'ailleurs. Il a été diagnostiqué de schizophrénie chronique. Un dernier mot, Valentin Skaplin, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, c'est pour vous inviter à aller voir sur le site de la revue Chimère, qui contient de nombreuses archives très intéressantes autour de Guattari et aussi des textes de l'oso-guattarien actuel. C'est noté, merci beaucoup. On mettra toutes les références en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Mais oui, c'est le titre de l'émission que vous êtes en train d'écouter. Et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous nous parlez de vapotage. Oui, et pour cela, avant, j'aimerais vous parler de mon rapport à la cigarette. Je l'ai rencontré, je l'ai quitté, puis je l'ai retrouvé avec l'impression de me réconcilier avec une partie de mon moi véritable. Enfin, j'ai dû la requitter, cette fois-ci pour cause de maternité, et je ne l'ai pas retrouvée. Je l'ai remplacée par une cigarette électronique, et je dois dire qu'après quelques mois de sobriété totale, ça m'a fait du bien de retrouver le geste, le goût, la détente de la nicotine. Tout ça pour vous dire donc que j'aime fumer, passionnément. Mes meilleurs souvenirs d'amitié, de vacances ou de travail sont souvent associés à la cigarette. Je m'en veux parfois d'avoir arrêté, d'avoir troqué la vraie cigarette contre un tube en métal à batterie. J'ai l'impression d'avoir cédé à une pression sanitaire et moralisatrice, d'avoir voulu enfouir à nouveau ce moi véritable tout en me disant que c'était tout autant cliché de penser que la cigarette rend cool. Bref, c'est un parcours classique de fumeuse. Certains comprendront, la plupart trouvera ça terrible, mais voilà, je suis addict et au fond, est-ce si terrible ? Il sera de moins en moins courant de voir ce geste à New York, et pour cause. Depuis mardi, les cigarettes électroniques aromatisées sont interdites dans l'État du même nom. Cet objet est accusé par les autorités d'inciter les jeunes à vapoter, avec à la clé un fort risque de dépendance à la nicotine. Un problème dont beaucoup ont pris conscience aujourd'hui. Depuis quelques mois, le monde de la cigarette électronique, de la vape comme on dit, est en pleine agitation. Plusieurs hospitalisations et quelques morts aux États-Unis ont suffi à d'emblée condamner ce qui était l'avatar exemplaire de la cigarette. Même geste, même goût, même plaisir, mais avec des dangers moindres. Jusqu'ici, tout allait bien, ou presque. Car la cigarette électronique a toujours provoqué la suspicion. Fumer grâce à une machine, c'est forcément suspect. On a entendu parler de risques d'explosion, de contre-nature du dispositif, de l'aspect ridicule même de l'objet. L'actualité le révèle d'ailleurs, on parle de quelques morts aux États-Unis qui, je le précise, ont inhalé des produits inaptes à cet usage et non contrôlés, et on y interdit le vapotage. Alors que, je le précise aussi, on est à peu près sûr des millions de morts dus au tabac. Mais bref, la cohérence n'a pas son mot à dire apparemment. On s'est rué sur cette information pour déballer et instrumentaliser toute la peur contenue dans l'idée d'addiction. Comme si on avait reporté notre terreur de l'addiction sur l'objet lui-même. Et même pire, comme si on préférait une bonne vieille addiction à une nouvelle forme de dépendance. Aurait-il des bonnes ou des mauvaises manières d'être addict ? La cigarette électronique, nous ne savons pas très bien sa toxicité à long terme, mais clairement c'est moins toxique que le tabac. Et donc ça, tous les experts sont d'accord, c'est mieux que le tabac. Et donc s'il faut en passer par la cigarette électronique, nous ne sommes pas opposés, bien entendu. Un des risques que nous remarquons avec la cigarette électronique, c'est que souvent les gens fument moins, mais continuent à fumer un peu. On connaît le discours officiel, l'addiction c'est mal. Et vous savez quoi ? Que la vape soit suspecte ou pas, valorisée ou pas, interdite aux États-Unis ou pas, ne change rien pour moi. Comme tous les accros, le discours scientifique ou moral n'a que peu d'effet sur ma dépendance. Je ne pourrai pas arrêter de fumer, même un peu, peu importe le moyen. C'est fou d'ailleurs de se dire que les paroles ou le savoir n'ont pas d'effet sur nos comportements. On sait par exemple que la planète va mal, mais on ne va pas forcément changer toutes nos habitudes. On sait qu'on peut perdre en liberté, mais on laisse faire. On sait qu'on est dépendant de la nicotine ou autre, mais on s'en accommode. La cigarette révèle ce fait, notre amour de la dépendance. Mais la cigarette électronique en révèle un autre, apparemment difficile à entendre, la liberté qu'on peut mettre en œuvre pour préserver cet amour de la dépendance. Car il faut être sacrément courageux et ingénieux pour avoir rendu acceptable une dépendance. Mais là est d'ailleurs peut-être le problème. L'addiction est-elle encore compréhensible, voire attirante, dès qu'elle devient respectable et à moindre risque ? Je suis amoureux d'une cigarette. Sans elle, j'ai l'air d'un poussin cherchant son omelette. Et Susan, si te reste un peu de pognon, ramène-moi donc un paquet de blonds. L'ironie de cette affaire de vape, c'est qu'elle ne va rien changer au fond de l'affaire justement. Notre nature foncièrement dépendante, notre addiction à l'addiction, pire contre toute attente, je crois qu'elle va même rendre plus attirante la vape. Car ce qui apparaît aujourd'hui, c'est ce paradoxe de la dépendance. On est libre de se donner des attaches, des addictions, peu importe leur dose, leur méthode, leur destruction. Et plus l'addiction est terrible, plus elle révèle cette liberté un peu folle qu'on a à s'aliéner. Laissez-nous vaper, laissez-nous au moins cette petite dose de liberté. Je ne suis pas ministre de la santé, alors je peux le dire que c'est bon de se faire du mal sans avoir mal. Merci Géraldine Valentin-Chaplin, qu'on retrouve le reine de la machine. Hein. Totalement, et puis c'est bien à contre-courant par rapport à tout un hygiénisme actuel, donc c'est pas mal. Et bah merci à vous. Je dis ça en tant que non-fumeur. Oui, bah c'est ça, encore une fois votre générosité. Merci Géraldine, votre chronique ProVap est à réécouter en ligne sur le site des chemins, sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon Delasselle, accompagnée d'Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Pascal Baudin. À la lecture des textes, Hélène Losseur. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, chaque semaine, donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Et bien demain, nous serons en compagnie de l'essayiste et romancière Siri Ustvedt, qui est de passage à Paris et qui sera donc à ce micro pour vous demain de 10h à 11h. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Félix Guattari et toutes ses émissions autour de l'héritage freudien, Mélanie Klein, Carl Jung et Françoise Dolto, c'est très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais